boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Allez, salut à tous, ce soir c'est un pop and rock qui va être teinté de nostalgie. On vient d'écouter à l'instant Kate Bush et sa troupe dans Army Dreamers pour lancer ce que je vais appeler mes oldies but goldies. Bon ben le principe c'est quoi? C'est des vieilleries en or que j'adore, que j'écoute régulièrement. Je vais essayer de vous transporter avec moi dans un univers qui peut-être vous fera voyager avec moi. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance. And if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to. Places they will never find. And we can act like we come from out of this world. Leave the real one far behind. We can dance. What do you say? We can go if we want to. Night is young and so am I. And we can dress real neat from our hearts to our feet and surprise them with a victory cry. See, we can act if we want to. If we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed. And I can act like an imbecile. See, we can dance, we can dance. Everything's out of control. We can dance, we can dance. They're doing it from pole to pole. We can dance, we can dance. Everybody look at your hands. Oh, we can dance, oh, we can dance.

Bon, allez, on va arrêter de se la jouer, de se la péter en disant « Ouais, on écoute des trucs super. Dans les années 80, on était super branchés, on écoutait que des trucs genre Peter Gabriel. » Bah, c'est pas vrai. En 80, mais Oldies but Goldies, il y avait également bah, ce genre de trucs-là. Au début des années 80, je sais pas trop si RVR passait ce morceau qu'on vient d'écouter, hein, ça s'appelait The Romantics, hein, tout un programme, hein, et Talking in Your Sleep, ça aussi c'était un sacré programme. Alors pour se rassurer, on faisait les super rebelles et on écoutait des machins que personne n'écoutait, et moi pour ma part j'écoutais un groupe qui s'appelait The Red Guitars. Alors si vous trouvez aujourd'hui encore quelque chose là-dessus, bravo, parce que je crois bien qu'ils ont dû faire un seul album, et le morceau s'appelait Technology. Photographs of men on the moon. We've got water that is good for us. We've got coffee that's instantaneous. We've got buildings that are very tall. We've got cigarettes that are low in tar. We've got policemen who can't tell us who we are. We can reproduce the work of art. We've got missiles, can't tear the world apart. Good, good, good, good, good, good technology. Good technology. There's lots of leisure time to sit and work it out. There's a TV show I've got to see. Qu'est-ce que j'ai pu aimer ça? J'ai pu aimer ça aussi comme j'ai aimé grâce à Bernard Lenoir qui nous faisait voyager dans ses univers à lui il y a bien longtemps. Il m'avait fait découvrir un groupe que j'adorais, J'ai adoré deux morceaux. Les deux morceaux que j'ai écoutés, c'était Rain et le deuxième morceau c'était Mountains and Water. Le groupe s'appelait Zerawan. About the ones who know their place. you back up where you belong, knock you back down. Look over here.

Années 80 pour leur diversité, pour leur joie de vivre, pour toutes ces belles choses qu'on a eues en musique, mais on oublie souvent que les années 90 nous ont amené aussi plein de choses très différentes. On a eu Mickey 3D en 99, en 98 donc on avait Placebo, et en 93 et au début des années 90, il y avait un gars qui faisait du folk, du blues, mais également du rock, on l'appelait à l'époque John Cougar Mellencamp, et le morceau qu'on écoute s'appelle Human Wheels. Try. my tears shall taste and take into its dark embrace. This lover in my beating heart does, assured by every sun that burns, the dust to which this flesh shall return. Thank you. c'était le petit plaisir du soir avec la doublette de John Cougar Mellencamp avec à l'instant Suzanne and the Jewels. Et puis niveau petit plaisir, et bien petit plaisir, on va s'en faire même un très gros avec Supergrass. C'était 99, le morceau s'appelait Mary. D'écouter, c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de traces malheureusement de certains de ces groupes, mais par contre il y en a un qui est toujours là, il y en a un que j'écoute encore, que j'écoutais et que j'écouterai encore, c'est le fabuleux Nick Cave avec certainement pas bien loin les Bad Seeds. had a history, but she's got no past. When they shut her down, the Russians moved in. Now I'm too scared, I'm too scared to even walk on past. She used to say, all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they preach on Jubilee Street. But here I come, I'm pushing my wheel of love. I got love in my tummy and a tiny little pain and a 10-ton catastrophe on a 60-pound chain. And I'm pushing my wheel of love up Jubilee Street. Well, look at me now, look at me now. Allez, quoi de mieux pour finir qu'un pote de Nick Cave, un pote défunt malheureusement, le poète rock australien Roland S. Howard, avec un de mes morceaux préférés de ce petit gars-là. Ça s'appelle Dead Radio. Et sur ce, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous. You're bad for me like cigarettes. But I haven't sucked enough of you yet. Nothing is secret and nothing is true. I'm no one that's nowhere when I'm here with you. I've lost the power I had to distinguish between what to ignite and what to extinguish. I blew in last night. I